L'illustré. Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, 79, année chaotique. Économie, religion, conflit et société, ça vole en escadrille. Histoire vivante, cette semaine, 79, année chaotique. Aujourd'hui, entretien avec Pascal Féroust, co-auteur avec Dirk van der Berg, du documentaire 1979, l'année qui a changé le monde, à découvrir ce dimanche soir sur RTS2. Alors voilà, la mémoire peut jouer des tours. Avant que ce micro ne s'ouvre, nous nous interrogions, Pascal Féroust et moi-même, sur la date de notre dernier entretien. Enfin, en gros, on est autour des fin 2017, début 2018. Oui. Il était question de votre parcours, et comme j'ai eu soin d'écouter vos propos, vous nous disiez au micro d'Histoire vivante, à cette époque-là, que votre parcours vous avait amené par la photographie, par école de cinéma, à devenir producteur, à vous intéresser principalement au projet des autres, à savoir que vous n'étiez pas fait pour être devant la caméra. Et puis là, on va quand même lancer un scoop, c'est que ce dont on va parler aujourd'hui et puis demain, c'est de votre nouveau documentaire, non pas en tant que producteur, mais en tant que co-réalisateur. Est-ce ainsi qu'il faut présenter les choses ? C'est l'histoire, enfin c'est la continuité du film précédent, c'est-à-dire que avec Dirk van den Berg, avec qui on avait fait La Mecque, on a commencé à... La prise de La Mecque, alors il faut redire un tout petit peu, oui c'est ça, c'est la... Ah oui, c'est le siège de La Mecque. Siège de La Mecque. Et on a commencé, dans des rôles un peu plus définis, à travailler, et à la fin de ce film... on s'est dit, mais en définitive, il n'y a pas, qu'est-ce que c'est que ces barrières qu'il y a entre le producteur, le réalisateur? On a pensé ensemble, on a écrit ensemble, devenons à la fois entièrement réalisateur, producteur, et avançons comme ça. À ceci près que la difficulté de la non-différenciation des tâches, c'est que l'on peut avoir envie, en tant que réalisateur, de faire ce qu'en tant que producteur, on s'interdirait peut-être, ou on interdirait à l'autre. Certains réalisateurs engageant parfois des frais de budget que le producteur tente du mieux qu'il peut de réfréner. Alors, est-ce que vous aviez une tendance schizophrénique qui vous permettait de vous lever le matin réalisateur, mais de vous coucher le soir avec les turpitudes du producteur ? Bon, le documentaire nous protège un petit peu de ça. À partir du moment où les films sont basés sur quand même beaucoup des entretiens, des archives, on peut pas tout d'un coup rêver qu'il va y avoir 100 000 figurants sur une séquence, etc. Moi, je suis plus producteur que réalisateur. Dire qu'il est un peu plus réalisateur que producteur. Et donc, dans nos échanges, on est l'un et l'autre à se réfréner sur ce qui pourrait être des idées un peu saugrenues, comme ça. Surtout, ce qui était intéressant, et c'est pour ça qu'on a voulu aller jusqu'au bout, c'est que on a commencé dans ce rapport producteur-réalisateur un dialogue, et on s'est aperçu que, de temps en temps, nos positionnements par rapport à ce qu'on racontait changent. C'est-à-dire que moi, je pouvais déjà, sur le siège de La Mecque, défendre des points de vue qui étaient de l'ordre du récit, et dire que je pouvais défendre des points de vue qui étaient l'ordre de la production. Donc, on passe facilement de l'un à l'autre, on ne s'épargne pas. Et on a cette faculté de pouvoir se parler, se dire les choses. Alors, ça, pendant le montage, ça a donné des moments extrêmement joyeux pour nous, et peut-être plus difficiles pour le monteur, qui était un peu comme face au Muppet Show, avec ces deux personnes qui s'agrippaient comme ça, et pour défendre des points de vue. Et en définitive, c'était tous les nœuds qu'on a rencontrés au fur et à mesure de la construction du film, et dès que on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qu'on n'arrivait pas à dépasser ensemble, on était obligé de se confronter, de confronter vraiment nos points de vue pour trouver les solutions et dépasser un peu ce qu'étaient des choses qui pouvaient nous sembler être établies pour pouvoir contourner. Et donc ça nous empêchait les contournements. Pascal Véros, vous co-signez avec Dirk Vandenberg un documentaire dont vous nous aviez fait finalement en 2018, sans le savoir peut-être, déjà les promesses, en disant que autour de ce précédent documentaire du siège de la Mecque, qui je le rappelle s'est déroulé pour les plus amnésiques d'entre nous en 1979, mais 1979 était, me disiez-vous, en tant que producteur, du point de vue du réalisateur de l'époque, Dirk Vandenberg, qui devient donc co-réalisateur avec vous, un moment sur lequel il fallait beaucoup plus faire le focus, à savoir, 1979, c'est une année cruciale, dit-il alors, c'est une année pivot. Il vous a donc certainement encore plus convaincu que jamais, au point que vous vous êtes lancé dans la construction d'un dossier dont il faut qu'on parle, parce que le dossier, je l'ai eu entre les mains, la première idée, c'était une idée qui cherchait à cultiver la longue durée, si j'ose dire, à l'intérieur d'une seule année. Quand on dit longue durée, ça serait plutôt large éventail, c'est-à-dire considérer que 1979 est une année où quantité d'événements se produisent, mais qui sont à percevoir, à entendre, comme résonnant encore considérablement aujourd'hui, comme façonnant, comme sculptant l'époque dans laquelle nous vivons, même si celle-ci, en tant que sculpture, connaît quelques effritements. Venons-en peut-être, si vous le voulez bien, au projet rêvé, au premier projet, l'idée folle, le moment où vous vous dites on va rouler en Rolls, après tout c'est garanti à vie, puis bon, on viendra après au véhicule plus modeste, quoique quand même fort ambitieux. Oui, en fait, l'idée de départ, c'était effectivement pendant la production de la Mecque, on travaillait de façon évidente sur l'année 79, on collectionnait comme ça tous ces événements qui se sont passés dans cette année-là, et c'était impressionnant, et ça nous amusait, parce que effectivement, toutes les semaines, on se disait, tiens, j'ai trouvé ça, etc., on mettait ça dans une boîte à chaussures, sans l'idée véritablement que ça pouvait donner quelque chose, mais avec un sentiment que tout ça pouvait trouver un sens. Bon, il se trouve qu'en plus, une grande question me parcourt depuis très longtemps, qui est la fin de ces années 70, de ce moment où le monde perd ses utopies, où le monde perd ses rêves des années 60, 70. C'est à la fin de ces années-là, on va rentrer dans les années 80. Et moi, j'ai travaillé sur cette idée-là, mais je l'ai travaillé à titre personnel. Et là, je retrouvais des éléments, mais on n'arrivait pas véritablement à mettre un sens, une direction derrière tout ça. Il se trouve que pendant la Mecque, on a rencontré Frank Bosch, qui est un professeur d'histoire en Allemagne, à l'université, qui, lui, était en train d'écrire un livre sur l'année 79, sur l'année charnière, et lui a posé de façon très dialectique la problématique de cette année comme année de bascule. En Allemagne, on considère que c'est 89. Il lui dit non, tout ça vient de 10 ans avant. Et commence à établir, dans un point de vue qui était plus lié à la politique allemande, mais en tout cas cette année comme année de bascule. Et à partir de ça, on s'est dit, bah oui, c'est évident, c'est le film, il est là, il faut, en s'inspirant de sa réflexion, travailler sur ça. Notre idée de départ, elle était assez simple, elle était de se dire, il y a trois grands mouvements, il y a le mouvement politique, il y a le mouvement économique et il y a le mouvement religieux qui prennent, pour différentes raisons, une place importante dans cette année-là. Et donc on va faire 3 fois 52 minutes avec ces thématiques-là. Ça, c'était le projet de départ qui avait pour nous l'intérêt de pouvoir rentrer plus en détail de chaque chose, mais en même temps qui portait son défaut, qui ne créez pas ce sens que tous ces éléments ensemble réunis pourraient ou peut-être et donc on a commencé à faire à vendre le projet comme ça. Après, c'est toute une histoire des rencontres avec les diffuseurs et avec Arte finalement était un peu gêné par l'effet catalogue du 3x52 et nous a proposé de réunir ça dans un film unique de 90 minutes. En le faisant, ils nous ont d'une certaine façon obligés à aller vers ce sur quoi on butait un tout petit peu. Mais c'est quoi en définitive le sens de tout ça? Tous ces événements, tout ça, ça ne fait aucun doute, mais quel était le sens réellement de ce qu'on avait envie de raconter? Quelle était l'histoire qu'on voulait raconter autour de ça? Est-ce qu'on a affaire à une rupture anthropologique au sens où la rupture s'établit sur beaucoup de terrains religieux, économiques, sociaux? Oui, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui parcourt tout ça, c'est la révolution conservatrice. C'est-à-dire qu'on est sur, dans cette année-là, réapparition des valeurs conservatrices. Et on va les retrouver partout, on va les retrouver dans les discours, on va les retrouver dans les faits. Le retour du religieux qu'on voit en Iran, mais qu'on voit aussi en Pologne et ça, c'est un appel à des sociétés beaucoup plus conservatrices qu'elles ne l'étaient, c'est-à-dire que toute l'idée, tout ce que l'après-guerre avait porté dans l'idée de la libération des hommes par rapport à l'Église, par rapport aux religieux, par rapport même à l'économique, tout ça, à un moment donné, s'arrête. Et on appelle au secours de ce moment-là de l'histoire, tout ce passé. Et on fait appel aux valeurs passées, on fait appel à la grandeur des peuples, on fait appel à des tas de signes comme ça qui font que tout le monde pousse dans la même direction. Et même sans, je dirais presque de façon parfois complètement inconsciente. On parle à un moment donné du fameux discours de Carter, qu'on appelle le discours du malaise. À la fin de ce discours, il emploie des mots, il fait référence à la grandeur des États-Unis, ce qu'est à peu près le discours des populistes aujourd'hui. On est exactement dans ça. Et donc on voit bien que, de façon véritablement voulue ou de façon contenue dans ce qu'était l'époque, etc., cette idée de la révolution conservatrice est en marche. Et après, il y a plein d'événements qui viennent accompagner tout ça. Concernant d'ailleurs, puisque vous établissez un parallèle avec le populisme d'aujourd'hui, il y a un discours dans lequel la chose apparaît extrêmement frappante. Ce sont les mots employés par Margaret Thatcher lors d'une de ses nombreuses tribunes où elle évoque la notion du gouvernement par le peuple. Autrement dit, ce passé de l'élite, que par ailleurs, sincèrement, elle aborde véritablement, ça on le sait, ce discours-là, un certain nombre de populistes du moment ne le renieraient pas. On a presque l'impression qu'ils ont fait, pour beaucoup d'entre eux, une sorte de copier-coller. Alors qu'à l'époque, concernant Margaret Thatcher, on n'évoque pas la notion de populisme. Ce qui a été frappant, c'est de découvrir dans ces archives comment, effectivement, Margaret Thatcher, c'est caricatural. Les discours sont d'une violence, d'une force, absolument invraisemblable. Et on voit bien que on est dans quelque chose qui est de l'ordre, moi j'ai l'impression, de l'inconscient du moment. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de populisme, etc. On pouvait traiter de la problématique du racisme chez Margaret Thatcher. On l'a pas fait parce que ça ouvrait des choses, etc. Mais de façon très directe, une des personnes qu'on a rencontrées en Angleterre, qui fut un de ses ministres, oui, elle n'aimait pas ce qui n'était pas anglais, à part les Américains. Oui, elle avait tendance un peu à détester de ce qui venait de l'ancien empire, etc. Donc on voit bien que tout ça, c'est là. Mais ça n'en faisait pas des sujets de l'époque. C'était juste déjà des valeurs qui étaient mises en place, qui étaient prêtes, et dont ils se sont emparés et avec lesquelles ils ont décidé d'avancer. À l'époque, on était persuadé que Margaret Thatcher était partie sur la création d'une économie libérale. C'est pas vrai. L'économie libérale en Angleterre, elle date de quelques années avant, du FMI. C'est le FMI qui est déjà met en place ces restrictions, ces nouvelles politiques économiques. Et elle vient surfer sur ces politiques qui ont été mises en place par Callaghan, qui en paye, lui... Le président premier ministre. Voilà, le président premier ministre. Et lui, il en paye le prix parce que, effectivement, à force de restreindre l'économie, il se retrouve avec des grèves massives qui vont amener Margaret Thatcher au pouvoir. Ce qu'on retrouve de cette époque-là, qu'on retrouve plus fortement encore et que l'économie, c'est cette volonté de revenir à quelque chose qui serait de, oui, de la grandeur. Ça revient dans tous les discours. La grandeur du passé, cette chose que l'Angleterre aurait perdue, ce qu'elle dit à un moment donné, et il faut encore y croire, nous dit-elle, c'est... Jean-Paul II en parle aussi quand il arrive en Pologne, de cette histoire, de ce grand pays, etc. Ce que Carter nous dit aussi, c'est voilà, la grandeur de l'Amérique. Comme si quelque chose s'était perdu, comme si dans cette course vers le progrès, vers l'utopie, au moment où l'économie vacille, à ce moment-là, il fallait se rattacher à ces grandeurs passées, à ces mythologies historiques. Au début de l'année 1979, la Grande-Bretagne fait face à un hiver glacial. Depuis des mois, le pays est secoué par les grèves. Le pouvoir du Premier ministre James Callaghan est agonisant. Face à lui, Margaret Thatcher, qui a pris la tête du Parti conservateur 4 ans plus tôt, compte bien profiter de la débâcle des travaillistes. So if you ask whether the next conservative government will cut controls and regulations and keep interference in people's lives to a minimum, my answer is yes, that's exactly what we shall do. Et toutes les cartes sont tombées à pic pour elle lors des élections générales de 1979. Parce que durant l'hiver 78-79, toutes ces grèves se sont déroulées sous un gouvernement travailliste. C'était donc la position idéale pour qu'elle puisse dire « Cela ne peut plus continuer, on ne peut pas avoir un pays comme celui-ci. » L'hiver du mécontentement, c'est le point culminant de ce que l'on pourrait appeler grossièrement le dilemme entre les Britanniques et leurs organisations syndicales. Donc, voici l'hiver du mécontentement changé en glorieux été par ce soleil d'York. Richard III, Shakespeare comme tant de choses. Elle a toujours voulu être Premier ministre, mais sans le dire, pour qu'on ne se moque pas. Ça paraissait improbable quand elle était une jeune femme. The most famous definition of democracy is government of the people, by the people, for the people. Not government of a section of the people, by a section of the people, for a section of the people. I think she did have an override. Elle avait une force principale. Une volonté de faire. Elle dirigeait le pays afin que tout le gouvernement ressente que sa volonté de faire pousserait tout le monde à se dépasser. Donc tous les matins au lever, vous deviez dans votre tête, que vous soyez fonctionnaire ou ministre, serrer votre cravate, brosser vos cheveux, faire briller vos chaussures, s'y mettre, être ponctuel et faire son boulot. Car cette volonté de faire vous surveille. Difficile de trouver un exemple de Margaret Thatcher admettant qu'elle avait tort. Tu n'avoues pas avoir changé d'avis, tu te débrouilles. Tu peux changer d'avis, mais tu ne l'avoues jamais. C'était un point de vue définitif sur une façon d'exercer le pouvoir. Un extrait de 1979, l'année qui a changé le monde, le prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir ce dimanche soir sur RTS2. Suite de l'entretien avec Pascal Ferroust, co-auteur avec Dirk van der Berg du documentaire 1979, l'année qui a changé le monde. Alors avant que nous rouvrions votre dossier, Pascal Ferroust, un petit quiz histoire de soulager les esprits de ces pensées géopolitiques peut-être par trop profondes. Un petit quiz sur l'année 1979. Selon vous, puisque vous avez potassé cette année avec beaucoup d'attention, quel comédien meurt à la sortie de scène dans un théâtre français? Bah, c'est une colle en sortant de scène. Ouais. Bon, il joue un Sacha Guitry, il joue la pièce qui est intitulée Mon père avait raison. C'est un brillant homme, puisque en dehors de son activité d'acteur, il a été également un assez grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de Paul Meurice. Ah, messieurs, bonsoir. Un grand seigneur nous a tiré sa révérence ce matin. Paul Meurice est mort à 66 ans, terrassé par une crise cardiaque. Paul Meurice sera presque mort en scène. Hier soir encore, il jouait « Mon père avait raison » de Sacha Guitry sur la scène du Théâtre Héberto. C'était la 100e représentation. Si je devais mourir, je préférerais que ce soit en scène que sur un plateau. Ah oui ? Premier étonnement. Oui, oui, je savais pas... Mais ça fait partie de voilà, de toutes ces petites choses mais qui se sont passées en 79. Il y a beaucoup d'exemples comme ça de qui ne sont pas liés qu'aux politiques qui se passent et qui sont marquants. Et voilà, quand on évoque comme ça un acteur, je vois là la disparition, la fin d'un cinéma, là, d'une idée de ce que là aussi il y a la guerre, la période de la guerre et de l'après-guerre s'en va à ce moment-là avec lui, quoi. Bon, alors on va ouvrir, donc je le disais, votre dossier plus largement. Vous aviez un certain nombre de pays, finalement vous avez choisi de vous rabattre sur un certain nombre d'entre eux. Un peu moins que... Mais quels sont-ils, ces pays? On a donc, vous l'avez cité, la Grande-Bretagne. Alors, on a la Grande-Bretagne, avec l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir. On a l'Iran, avec le retour de Khomeini et la révolution iranienne. La Chine, avec Deng Xiaoping, qui ouvre la Chine... à travers l'ouverture des relations diplomatiques avec les États-Unis. Et on a Jean-Paul II et la Pologne. Dans votre dossier de départ, il était évidemment inclus l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, dont on peut considérer qu'elle est la dimension miroir à l'arrivée de Karol Wojtyla en Pologne en tant que nouveau pape, puisque ces deux éléments, dit-on, il faudrait y rajouter aussi la course aux armements, la fameuse guerre des étoiles, qui vont contribuer à l'effondrement de ce que l'on n'imaginait pas alors possible, à savoir le bloc soviétique. Vous aviez donc le choix entre Afghanistan, URSS et puis le pape. Qu'est-ce qui fait que vous avez plutôt été en direction du pape, si j'ose dire? C'était pour faire un pendant avec l'Iran et l'arrivée, le retour avec le million de personnes à Téhéran en 1979 de l'ayatollah Khomeini, Pascal Birou. Oui, ce qui fait que le pape et l'élection de Jean-Paul II en novembre 78 et son premier voyage qu'il fait en Pologne est véritablement important, c'est que c'est vraiment le moment où le religieux du côté occidental reprend pied dans le politique, armé d'un discours extrêmement clair. C'est-à-dire que Jean-Paul II, il est extrêmement clair. Il déteste le communisme, il est là pour permettre, aider, accompagner la chute du communisme. Il vient de Pologne, il a vécu l'après-guerre en Pologne, il a vécu ce régime féodé aux soviétiques. Je crois qu'il y a une volonté extrêmement forte de sa part de dire je vais participer à ça et je vais donner l'élan. De la même façon, si on le regarde vu d'aujourd'hui, au-delà de la problématique de la dictature, de la violence de cette dictature, c'est un pays qui est avancé, qui est évolué, qui a une population qui est instruite, qui a des universités puissantes et qui s'appuie, lui, sur une histoire extrêmement forte aussi, et qui est un pays qui va vers... qui partage, je crois, avec l'Occident, ce que sont les rêves de cet après-guerre, de ces années 60-70, avec ce drame de ces époques, mais on les retrouverait peut-être encore aujourd'hui, que l'Occident a parfois tendance à accompagner des dictatures parce que c'est plus simple, et que l'Iran, c'est un partenaire essentiel dans la géopolitique pour les Américains, et à partir de ce moment-là, on passe sur le fait que c'est une dictature sanglante. Après d'âpres négociations, le pouvoir polonais accueille Jean-Paul II dans son pays natal. C'est le deuxième voyage de son pontificat et il sait qu'il doit jouer une partition bien délicate. Ce n'est pas seulement un homme d'église qui arrive en Pologne, c'est un homme politique qui a décidé de faire de l'église le fer de lance de la reconquête des pays européens encore sous le joug soviétique. L'Église en Pologne n'était pas une institution religieuse, mais un type d'institution nationale, autonome et indépendante du parti. Beaucoup de gens allaient à l'Église, pas forcément parce qu'ils étaient croyants, mais ils exprimaient ainsi leur position à l'égard du système et du rôle de la tradition. Il y a eu une tentative de la part du Parti communiste en Pologne de supprimer l'Église. Dans une certaine mesure, il a réussi. Le socialisme repose sur une domination politique totale et sur la police secrète. Nous avons attendu peut-être 6 heures, puis il est arrivé et l'atmosphère a changé. Je participais à quelque chose d'unique. Cet accueil gigantesque et impressionnant du pape. Cela peut se comprendre, non pas en raison de sa personnalité, mais d'abord à cause de notre histoire et de la situation de la Pologne en 1979. À la fin de l'homélie, il a prié le Saint-Esprit. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A-t-il été difficile d'abandonner le dossier URSS Afghanistan qui contient quand même en son sein de très solides sous-dossiers racontant le monde d'aujourd'hui? Bon, on ne l'abandonne pas vraiment parce que l'Afghanistan arrive sur la fin du film avec... Un regard qui est, je crois, est pas celui qu'on porte sur l'Afghanistan habituellement. Mais ce qui était étrange pour nous, c'est que l'URSS est relativement absente de cette année 79. Elle est présente à la fin de l'année, à Noël, quand elle entre en Afghanistan, et elle est présente dans la négociation des accords SALT, qui ne sont pas votés par le Congrès américain suite à ce qui se passe en Afghanistan. Elle n'est pas politiquement très très forte. C'est la fin de. Disons que l'état de santé des numéro 1 qui sont succédés depuis quelques temps amène une URSS à un état des plus fragiles. Mais je ne vais pas vous laisser répondre tout de suite parce que là on va être obligé de rendre l'antenne. On va se revoir demain, Pascal Desrousses, pour poursuivre cette discussion. Vous avez rappelé, après tout, c'est votre documentaire, le titre de votre documentaire qu'on doit voir dimanche soir sur RTS2. Il s'appelle 1979, l'année qui a changé le monde. À demain.